Ok. Yeah, back au mic. Quelques mesures pour 2015. Tu connais le bail, tu connais le bail. Quelques mesures pour 2015, ouais. Nouvelle année, c'est cool. L'isoloir est déserté, mais devant les kiosques, y'a foule. Mais qu'est-ce qui a pu foutre une telle merde? Histoire vraie ou pas, complot théorie. Je remercie internet, mais bref, on ne saura jamais ce qui se passe en coulisses. Il ferait passer les plus grands criminels pour de simples touristes. Eh, hey, besoin de se vider la tête, fait péter le 11 et la conce. Entre arnaque et amalgame, gros, la France fait la tronche. Pas prêt de prendre des congés, ni même de jeter l'éponge. L'état nous ponce et nous on plonge, même si on connaît le danger. Frère, y'a pas de récompense et c'est pas prêt de changer. On l'espère vivre et pouvoir manger. Donc je t'assure qu'on ne va pas se laisser faire. Rien ne change, faire de l'argent, on l'a capté. Sans les torrents, jouer c'est faire. Wesh, le sky c'est terminé. Et puis mon père, ça c'est le dernier. Dites au président que les belles promesses, on sait les faire. La France frise de l'ulcère et notre mal-être, ils s'en servent. Mais mal-être, on a plus l'air que par un gars la tête sous cerne. Une putain de parenthèse. Ouais, je vois bien que les parents stressent. Car du 1 au 31, on connaît les pattes et les conserves. Les voix cassées dans les concerts, gros. C'est vrai que c'est cool, mais me parle pas d'oseille. J'en donne plus que j'en conserve. Les voix cassées dans les concerts, gros. C'est vrai que c'est cool, mais me parle pas d'oseille. J'en donne plus que j'en conserve. Allez, allez. Là je te donne quelques mesures. Tu veux marcher vers le succès. J'espère que t'as pris les bonnes chaussures. Vas-y, vas-y. Viens on bouge un peu tout ça. Tu sais que le danger c'est pas la peur qu'il repoussera. Allez, allez. Là je te donne quelques mesures. Tu veux marcher vers le succès. J'espère que t'as pris les bonnes chaussures. Vas-y, vas-y. Viens on bouge un peu tout ça, frérot. Vas-y, viens, viens. Viens on bouge un peu tout ça. Faut que je marque le micro. Car je sais que personne ne gommera. C'est sans pitié comme Chiro. L'instinct brutal de Gomorra. Un dé donc un gros moral. J'ai pas de moral flingué. La semaine est longue. On attend plus le week-end pour pouvoir trinquer. Check, pouvoir exister l'ami. Je suis pas trop fan de leur dinguerie. Alors pour le dire, j'ai agité la mine. J'ai activé ce qui me reste de bon sens. Et quand je vois l'ambiance autour, sérieux cousin, je me dis bonne chance. La France danse entre la phobie et le racisme. Qu'est-ce que tu crois? On s'intègre mieux quand faut cacher ses racines. La peur, la parano te pousse à perdre la raison, frère. Tu dis salam, t'as l'impression d'avoir dit tout sa terre. On respire la tête dans une bassine de spéculation. La bourse en branle, cousin, les banques attendent l'éjaculation. On esquive peut-être de peu la mort par strangulation. Souci en eux coulissant. Trop d'accumulation. Je crois que dans l'œil du chômeur y'a plus de rage que d'espoir. Impossible pour moi de me taire ou débarquer sans l'art. Je crois que je viens de fumer ma raison d'une large victoire. Désolé si j'ai le mégot qui fait déborder le standard. Non y'a pas que dans nos têtes que c'est le désordre, non. Et y'a pas pire connerie que celle des hommes. Je comptais pas l'ouvrir ni en faire des tonnes. Je pouvais que retenir l'état des lieux. Et de ce dossier y'en a déjà plusieurs tonnes. Bacahage. Quelques mesures pour 2015. Tic la fricote. Yeah.